L'avenir par Henri Barbusse. Le cabriolet de poste s'arrêta au Cheval Blanc à l'entrée de Puy, bourg du Beauvaisis. Aux yeux émerveillés du populaire rustique, nous en descendîmes tous trois. Monsieur le comte de Montmirail, de l'Institut, le glorieux nourrisson de Clio en même temps que Thalie. Monsieur Cadois le fils, auteur de plusieurs livrets d'opéra et d'un fameux recueil de maximes, celui-là même que Sa Majesté Louis-Philippe aurait nommé l'année dernière précepteur de Monseigneur le duc de Nemours, en considération de l'immortalité promise à ses ouvrages, si l'intrigante politique n'avait imposé au monarque un autre choix. Et moi, qui suis bibliothécaire de troisième classe en un établissement utile et illustre entre tous, et dont l'éloge n'est plus à faire, j'ai nommé la Bibliothèque royale. C'était pour moi un honneur insigne, que tu m'enviras, ami lecteur, de voyager en telle compagnie. Je devais cette faveur aux bons offices du général-duc de Beson, qui me protège, ainsi que les miens, et à l'endroit duquel nous professons, je tiens à l'attester ici solennellement, une fois de plus, le plus aveugle dévouement. Je renonce à peindre l'empressement avec lequel l'aubergiste précipita notre rencontre, hors de son auberge rebondie et cerclée de poutres brunes, à la manière d'une barrique. Le souper fut passable, les lits assez bons. Le lendemain, fort tôt, nous descendîmes dans la cour de l'hôtellerie. Monsieur le comte, le bicorne enfoncé jusqu'aux yeux, était enveloppé dans un ample manteau bleu. Monsieur Cadois, coiffé d'un chapeau haute forme à longs poils, disparaissait dans les plis d'un carrick couleur de café au lait, et moi, plus humble et plus maigrement vêtu, j'avais mon chapeau noir et mon paletot administratif. Or, dans cette cour, nous croisâmes une jeune campagnarde munie d'un balai. Cette servante souriait et elle était parée de tous les attraits de la beauté. Vision inoubliable. La joue du tendron brillait d'un vif éclat et son œil noir avait un feu tel que celui d'une Andalouse de Barcelone eût paru terne à côté. C'est avec la majesté d'une reine qu'elle utilisait l'honorable mais modeste attribut du travail que j'ai nommé plus haut. Célina, c'est ainsi qu'elle s'appelait, n'était point seule, non. De beaux valets de ferme, d'aimables goujats ainsi que de jeunes paysans aisés, l'escortaient d'une manière de cour, lui adressant de galants propos et accueillant ses dires d'un air d'extase, voire d'adoration. Nous daignâmes sourire à ce tableau champêtre, idyllique, qui respirait l'allégresse. Mais voici que nous avisâmes soudain, sortant d'une étable où gîtait un bétail dont il n'est pas séant à un écrivain qui se respecte de tracer le nom, une créature contrefaite et hideuse qui nous jeta un regard acrimonieux. C'était une femme, s'il est permis d'appliquer ce vocable à un être sans forme et sans âge, affligé d'une claudication auprès de laquelle celle de Vulcain vous eût paru imperceptible, au dos courbé comme l'arc du guerrier numide, à la poitrine creuse, dont la hanche pointait par moments sous les loques qui l'empaquetaient. De la masse confuse de sa personne s'érigeait une brève tête, ridée, grise comme la pomme de terre, sur laquelle semblait peinte une mince couche de cheveux noirs, et où rentrait un nez trop court et d'où pendait une bouche trop grande. Oui, telles furent les deux apparitions qui se succédèrent à nos yeux surpris. Contraste éclatant sur lequel M. Victor Hugo, s'il avait eu l'avantage de se trouver avec nous, n'aurait pas manqué de s'exprimer ingénieusement, comme il lui est arrivé plus d'une fois de le faire. Quoi qu'il en soit de ce littérateur, le rapprochement entre les sorts de ses filles était si cruel que nos yeux se mouillèrent. Nous interrogeâmes l'hôtesse, qui nous apprit que Célina était douce, bonne, d'une intelligence et d'une situation de fortune bien au-dessus de sa condition, quasi riche, pour employer la terminologie naïve de notre villageoise. Quant à Céleste, infirme, elle était aussi méchante que misérable, et chacun la haïssait avec juste raison. Tandis que nous soupirions, M. de Montmirail leva au ciel ses yeux vénérables, et dans un transport de pitié s'exprima à peu près en ces termes. « Ô sort inflexible, quelle différence profonde tu te plais à établir entre la destinée des uns et celle des autres. Pourquoi, réponds, pourquoi combles-tu certains de tes enfants de tous les dons, de tous les biens, de toutes les vertus, alors que tu en sèvres leurs voisins? Ô destinée barbare !» Hélas ! S'écria à son tour en gémissant M. Cadois le fils, dont l'âme sensible et le génie inventif étaient experts à imaginer d'avance les destinées réelles. Lui qui avait tissé, et de quelle main, celle des impérissables héros de ses ouvrages. Citrège, Florestan, Clorinde, le jeune hindou d'Orléans et tant d'autres. Hélas, je ne vois que trop l'avenir de ces deux filles. Célina sera distinguée par quelques patriciens errants qui l'enlèvera, ainsi que Boréon Albalana à Forritia, et lui procurera un état avantageux. Tandis que Céleste s'acheminera vers la vieillesse, sous les risées de tous les hommes et dans l'isolement de son cœur. 3 ans se seront écoulés, et voici que je passe un matin à Pouilly près Beauvais et m'arrête au Cheval Blanc. Je me rappelle le premier séjour, si flatteur pour moi, pour mon père, pour mes frères et toute ma famille, que je fis naguère dans ce bourg et ce local aux côtés de M. Cadois le fils et de M. le comte de Montmirail. Celui-là continue à jeter sur les lettres françaises un lustre sans pareil. Celui-ci, hélas, est mort pour avoir demandé trop de labeur à son cerveau, exigé trop d'efforts de son talent créateur. Seul, assis dans la salle basse de l'auberge, je laisse serrer mes regards sur la route et j'y vois cheminer un spectre féminin. Oui, c'est comme une grande ombre pliée, triste, défaite, aux traits rabagés, à l'œil morne. Sur son passage, chacun se détourne. Et même les minuscules chantres naturels perchés dans les frondaisons se taisent soudain. Je pousse un cri, qui provoque la curiosité et déjà l'émotion des frustes voyageurs et part dans la salle. Je n'en peux croire mes yeux. Te figures-tu, ami lecteur, que dans cette lamentable passante, je viens de reconnaître la belle Célina d'antan? Les larmes jaillissent de mes paupières. D'une voix rauque, je demande l'hôtesse, qui accourt en hâte, me croyant blessée. Cette femme simple et loyale confirme mes souvenirs. Elle me narre que c'est là en effet Célina. Cette dernière a eu un amour non partagé. Elle s'est trouvée d'autre part dépouillée de son bien. De plus, ses déboires ont détruit sa santé et effacé sa beauté. Et alors elle vit, à jamais solitaire là-bas, pire que veuve. Quelques voyageurs se sont rapprochés durant ce déplorable récit, et nous ne pouvons, ni les uns ni les autres, retenir un torrent de larmes. « Oh, mes maîtres, comme nous nous sommes trompés !» murmurai-je douloureusement. Je songe en effet aux prédictions émises jadis par messieurs de Montmirail et Cadois, en de nobles improvisations. « L'une goûtera la joie, l'autre les larmes, » disait-il. « L'autre !» J'évoque l'image de la fille difforme et détestée, mais accablée par l'amertume, je n'ose pas m'enquérir d'elle, trop sûre, hélas, de ce qu'on me répondra. Je l'aperçus une heure après, l'autre, cramponnée à une des bornes du portail. Elle était toujours aussi disgracieuse, mais la face levée, elle contemplait l'azur, noyait ses regards dans les hauteurs du ciel. Je m'approchai d'elle. Alors je vis que non seulement elle souriait, mais aussi qu'elle était enceinte. C'était « L'avenir » par Henri Barbusse.